Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousu main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, 100 ans après la Révolution russe, héritée de 1917, une série de Marie Chartron réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a pour commencer ce qui semble soudain insupportable, au point de prendre les armes et risquer sa peau. Il y a les espoirs, les tables que l'on renverse, l'euphorie et la violence. Il y a un ordre établi qui s'effondre et se croyait éternel, et il y a bien sûr ce que l'on sait, les errements, les espoirs déçus, la surveillance, le totalitarisme et la mort dans les camps. Et il y a enfin l'exil, les séparations, les destins bouleversés, les familles éparpillées, la nostalgie, l'avenir radieux et les photos que l'on garde serrées au fond de boîte. Et aussi ces délicieux voyages scolaires où l'on goûte à l'aventure pour la première fois. Alors pour commencer, les personnages. Des voyageurs, des utopistes, des révolutionnaires, des ouvriers, des militants, des adolescents devenus vieux, des enfants d'ouvriers, un journaliste, des communistes, des pionniers et une comédienne amoureuse. Ensuite le décor. Des banlieues rouges, les archives d'Ivry, des jumelages franco-soviétiques, des samovars, des isbas, du dépaysement, la maison de Lénine ou celle de Tolstoï, la fidélité au père, un régime meurtrier et mourant, des oiseaux en cage, des chansons russes et des souvenirs de jeunesse. Aujourd'hui, 4e épisode, on est à Ivry et on prépare son voyage. Nous sommes le bureau d'information. Nous n'organisons pas les voyages directement en Union soviétique, mais nous pouvons conseiller, donner les informations complètes, comment on peut organiser voyage en Union soviétique, ou en groupe, ou individuellement, ou en voiture. C'est M. Zorin, l'ambassadeur d'Union soviétique à Paris, qui a inauguré les nouveaux locaux de l'Agence nationale de tourisme soviétique. Dans son allocution, M. Zorin a évoqué le voyage du président Pompidou en Union soviétique et a rappelé la partie des deux accords signés à Moscou à l'occasion de ce voyage qui souligne le rôle du tourisme dans le renforcement de l'amitié entre nos deux pays. Ah, regardez! Eh, avec Madame Soukareva et Monsieur Gouskov. Oh, il y a tout le programme, et c'est génial. Avec Monsieur Borisov, vous vous rappelez pas du maire de Moscou? À la pension de Monsieur Maran, maire d'Ivry-sur-Seine, France. Au nom du Soviet régional de Krasnaya Presnia. À l'attention de Monsieur Fiodorov, président du rayon de Krasnaya Presnia. Je suis heureux au nom du conseil municipal et du comité de jumelage. À l'occasion du 20e anniversaire de la libération de Paris de l'occupant fasciste allemand. À l'occasion du 46e anniversaire de la révolution d'octobre. Président du rayon de Krasnaya Presnia, en faveur de Moscou, la paix. Union soviétique. Georges Maran, maire d'Ivry-sur-Seine. De votre activité à tous, que dans chaque foyer de France, les cœurs battent à l'unisson des cœurs heureux de l'Union soviétique. Vive à jamais l'amitié entre les peuples de France et d'Union soviétique. Voyage au pays des soviets. De retour du RSS, 100 ans après la Révolution russe. Marie Chartron, Julie Béressy. Les voyages au pays des soviets et leurs récits commencent très tôt après la Révolution de 1917. Jacques Sadoul, Serge de Chessin, Marcel Cachin, Pierre Pascal, Édouard Herriot, Louise Weiss, Henri Barbusse, Louis Aragon, André Gide, Louis-Ferdinand Céline, la liste de ceux qui ont parcouru la République des Soviets, le pays de la démence rouge, l'enfer bolchévique, la Russie rouge, la Russie nouvelle est interminable. L'expérience soviétique devient un sujet inépuisable. Aucun pays ne suscite autant d'interrogations et de passions. Son attrait est considérable pour les pèlerins politiques, les voyageurs bourgeois, les aventuriers, les écrivains, qui oscillent entre vertige, peur, fascination, désillusion et enthousiasme. Les récits de voyages qui suivent font entendre la voix plus discrète de personnes qui, par idéal politique, par fidélité familiale, par amour aussi, sont allées faire un jour l'expérience de l'URSS, entre 1960 et 1991, sur fond de guerre froide. Les montagnes russes et les grandes controverses portaient alors d'autres noms et connaissaient d'autres sommets. Pacte de Varsovie et OTAN, Affaire Kravchenko en 1949, répression de l'insurrection de Budapest en 1956, invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, Glasnost, Perestroïka. Une histoire est née entre eux et ce grand pays, et le voyage commence à Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, avec Michel Rau, responsable des archives municipales. Alors ici, vous avez donc cette grande avenue qui traverse Ivry, hein, entre la Seine et la place de la République. C'est une rue qui a été dénommée la rue Staline en 1949. Elle a été débaptisée en 1961 pour prendre le nom de rue Lénine. Débaptisée sur une partie de son parcours pour recevoir le nom de Georges Gosnat, qui a été député d'Ivry à la suite de Maurice Thorez. Donc Ivry est une ville communiste depuis 1925. Hein, c'est une ville qualifiée de capitale du communisme français à travers un couple très emblématique qui est formé à la fois par Maurice Thorez, donc qui est secrétaire général du Parti communiste français, et qui est le député d'Ivry, mais aussi un personnage très très important qui s'appelle Georges Marane, qui est donc un ouvrier horloger à l'origine, qui est élu maire en 1925. Ivry, c'est une ville qui a servi de modèle au sein de l'ensemble des municipalités communistes en France, mais aussi auprès des municipalités d'autres courants politiques, en particulier dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans le domaine des réalisations pour la jeunesse, les colonies de vacances. Jumelage Krasnaya-Presnia avec Ivry-sur-Seine. Le Conseil municipal communiste d'Ivry-sur-Seine adresse ses chaleureux remerciements au Conseil d'arrondissement de Krasnaya-Presnia pour avoir accepté le jumelage avec la ville d'Ivry-sur-Seine. C'est un grand honneur qui est apprécié par tous les travailleurs et l'ensemble de la population laborieuse d'Ivry-sur-Seine. Le jumelage de ces deux villes, par les échanges d'informations et les visites réciproques que nous essaierons d'organiser, permettra une meilleure compréhension entre les différentes catégories de la population de nos villes. À quand ce jumelage remonte-t-il ? Michel Rau. Alors le jumelage avec Krasnaya-Presnia a été adopté sur le principe par le conseil municipal d'Ivry le 28 juin 1960 dans les attendus des 10 quartiers de Moscou qui présentent le plus de similitudes avec la ville d'Ivry. Krasnaya, c'est un quartier de Moscou appelé Presnia du nom de la rivière qu'il traverse et qui devient Krasnaya-Presnia, la Presnia rouge, après avoir été le théâtre d'événements sanglants lors de la révolution russe de 1905. Donc ça s'est fait un petit peu progressivement. Après, on a eu donc en novembre 1964 une délégation qui comprenait des conseillers municipaux et des membres du comité de jumelage qui se sont rendus à Krasnaya pour participer aux manifestations du 45e anniversaire de la révolution d'octobre 1917. Et le protocole de jumelage est signé en 1965 par Valentin Fedorov, qui est président du Soviet de Krasnaya, et Jacques Laloé, le maire d'Ivry. Dans le sillage de l'association France-URSS, créée en 1945, qui avait pour but de promouvoir l'amitié entre les peuples de France et d'Union soviétique, de nombreux jeunes Ivriens ont voyagé, dans le cadre du jumelage ou par le biais d'autres organisations, comme Nadia Derbiz. Bon, ça c'est 64. C'est le premier voyage que la ville d'Ivry a fait. On est sorti des frontières de l'Est, on est rentré à l'Est, donc, et c'était assez événementiel quand même. Enfin, pour nous tous, là, c'était assez extraordinaire. Vous aviez quel âge ? 19 ans. J'ai fêté mon anniversaire là-bas. Et là, on vous voit vous poser comme pour une photo de classe. Ah ben gros pire, hein ? Dans un parc. C'était l'été et moi je venais de passer, je venais de terminer mes études, donc je me suis inscrite à ce voyage. Moi c'était la première fois que je sortais de France, hein, déjà. Je crois que le plus loin que j'avais été en train, ça devait être Reims ou un truc comme ça. Donc on voyageait pas beaucoup. Et puis ben, on a pris le train, bien sûr. Et là je me souviens des dames qui servaient dans le train, qui étaient des Russes. Le foulard, des mamas avec les tabliers, et qui nous servaient des trains-couchettes, et qui nous servaient des thés à longueur de journée dans des espèces de tasses en argent avec une poignée, et puis le verre dedans. Et c'était assez extraordinaire. Hein. Ça m'a marqué vraiment. Et le trajet a duré 3 jours. Hein. Alors, vous roulez pendant 3 jours et vous arrivez en gare de Moscou. Oui, alors là, l'architecture, pas tellement l'architecture, mais le paysage social, urbain, c'était moitié campagne, moitié ville. Moi, je ne me souviens que de maisons en bois, qu'on appelait des izbas. Et puis les moscovites, comme des paysans russes que je voyais au cinéma, quoi. Ou que je pouvais avoir vu dans mes livres d'enfants, faits en Union soviétique. Et les femmes, ça je me souviens bien, leur foulard sur la tête, leur tablier, leur grande robe qui descendait jusqu'en bas. C'était quand même en 64, et nous, on était proches de 68, donc on avait dépassé tout ça. C'était... Et je disais à l'époque, mais c'est extraterrestre. Je trouvais que c'était une autre planète. Voyage en URSS de 41 jeunes Ivriens, du 3 au 26 août 1964, au camp de l'amitié franco-soviétique de Vechniaki, à environ 20 km de Moscou. Au programme... Visite d'une usine de roulement à billes, d'un kolkhoz, d'un palais des pionniers, de l'université, de la maison de Lénine à Gorki et de la maison de Tolstoï. En dehors des visites organisées, les participants de ce voyage ont la possibilité dès 16h tous les jours de visiter Moscou individuellement. On a surtout rencontré des jeunes, mais souvent qui portaient l'habit militaire. Ça, c'était séduisant. Beau, blond, la plupart du temps. Et puis un uniforme. Et puis on était quand même au pays des soviets. C'était... Ah, c'était... Je suis très émue. Parce que c'était l'avenir pour nous. C'était pas l'utopie, mais on décrivait un pays qui était en train de réaliser. Et nous, c'était difficile, on ne s'en sortait pas en France. Et là, on allait rendre visite à des gens qui étaient pleins d'espoir, qui travaillaient pour... Et on y croyait. On y a cru longtemps, pendant 20 ans après, quoi. Mais bon, certes, il n'y avait pas grand-chose, mais les jeunes étaient joyeux, ils croyaient en ce qu'ils faisaient. On ne se rendait pas compte... À l'époque des imperfections, mais de toute façon, on le pardonnait, parce que quand on construit quelque chose, tout n'est pas parfait. Une seule espérance nous rassemble et nous dicte sa loi. Sur la même croyance, nous avons établi notre foi. Tous les pays du monde en leur langue répondent. Par la jeunesse, vient la promesse d'un avenir meilleur. Je vois en regardant votre salon assez rempli qu'il reste quelques traces de votre passage en Union soviétique, apparemment. Ah, oui, absolument. Sur tous les murs. Sur tous les murs, en commençant par ces aquarelles qui représentent des lieux de Moscou. Michel Courtois. Et là, c'est aussi un souvenir de Moscou. C'est la plaque que nous avions sur notre voiture. Les diplomates avaient un D, les correspondants de presse avaient un K. Et c'était le R de représentation, puisqu'on travaillait dans des représentations de sociétés étrangères, sociétés françaises en l'occurrence. C'était une plaque qui montrait qu'on était étranger. Et je ne sais plus ce qui correspondait à la France. Les pays recevaient le numéro... de l'ordre dans lequel ils avaient reconnu l'URSS. Donc la France avait le numéro 7. La France reconnaît l'URSS en 1924. Voilà. Et vous, Michel Courtois, vous avez fait plusieurs voyages en URSS. Dans le cadre de la Fédération internationale des déportés, puisque mon père avait été déporté à Mauthausen, et il était adhérent de la FNDRP, Fédération nationale des déportés et internés, résistants patriotes. Et ça permettait d'accéder à certains voyages et certaines vacances, qui étaient quand même assez agréables. Et donc, je suis allé comme ça, en 1961, à Artek, qui est en Crimée, sur la mer Noire. J'ai des photos en noir et blanc. Alors là, regardez, me voilà, qui fait le salut. Je ne sais à quel drapeau, sans doute le drapeau soviétique. Vous aviez quel âge ? J'avais 14 ans. Oui, on avait des petits foulards de pionniers. Qu'est-ce que c'est un pionnier ? Un pionnier, je dirais que c'est un scout laïque, et peut-être, et des pays de l'Est, en tout cas, c'était, voilà. Bon, il y avait là un aspect idéologique très fort aussi, hein, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir mémorable de ce séjour à Artek ? Oh, sans doute un amoureux russe. Et j'avais lu, avant de partir, un livre qui s'appelait « Un homme véritable », qui était un héros, un pilote de guerre soviétique, qui avait fait des exploits extraordinaires pendant la guerre. Et donc on l'a rencontré. Ça m'avait beaucoup impressionné. Regardez, vous voyez, j'étais impressionné. Donc là, on vous voit en photo avec l'homme véritable, voilà, en chair et en os. C'était le symbole d'une imagerie soviétique sur la guerre qui existait très fort en France aussi. Sur la Seconde Guerre mondiale. Sur la Seconde Guerre mondiale, oui, tout à fait. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Дорогие друзья, с хорошим воскресным днем! 1982, en effet, j'étais à la direction du PCF et c'était une époque où on s'interrogeait un peu sur la manière de parler de l'Union soviétique. Gérard Streff, journaliste. Et moi, je trouvais, jeune homme à l'époque, que on était soit trop louangeur, soit trop critique, et qu'il y avait probablement un terme moyen à trouver. Donc j'en fais part un jour à une réunion, et le lendemain on me dit « puisque tu es si doué, tu vas aller à Moscou et tu vas être correspondant de l'UMA », ce que j'ai accepté quand même après quelques moments d'hésitation, parce que c'était un changement de vie radical, mais avec enthousiasme, oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant de partir ? J'étais au secteur international du PCF et j'ai été longtemps un collaborateur de Jean Canapa, un homme important de la direction du PC. Voilà, j'étais un peu un expert en questions internationales. En 1982, donc vous faites vos valises et vous partez à Moscou. Exactement. En 1982, d'abord, je dois apprendre en un mois le métier de journaliste, ce qui était quand même un petit peu une formation accélérée, puis apprendre le russe, que je ne connaissais pas. Et je pars début mai à Moscou. Lorsque j'arrive à Moscou, mon prédécesseur m'attendait avec une impatience vive. Lui, manifestement, s'était ennuyé, pour pas dire plus, là-bas, parce qu'il avait été correspondant à la fin Brejnev. C'était tout à fait un moment d'inaction, d'inintérêt total, ce qui fait que lui n'aspirait qu'à rentrer. Je me souviens être arrivé dans son bureau, il y avait les agendas derrière lui et chaque jour était marqué d'une croix qui était un jour de libération à venir. Et en plus, quand il envoyait un article au journal, il datait toujours J-50, J-40, enfin, voilà. Donc, cet accueil, si je puis dire, par mon prédécesseur me tétanise un peu. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Et précisément, comme je suis inquiet, je vais m'investir à fond dans la connaissance de l'Union soviétique, des Russes, de la culture. Arrive l'automne 82 et je décide, pour une raison amoureuse, de rentrer à Paris sans le signaler à ma rédaction, ce qui est une faute professionnelle lourde, mais bon, on peut l'avouer quelques décennies plus tard. Et donc je passe le week-end à Paris, je rentre par l'Aéroflot le lundi matin. Et ce matin-là, Aéroflot était bondé, bourré de monde, et de beau monde, c'est-à-dire qu'il y avait tous les grandes figures des médias de l'époque, les experts en soviétologie, les animateurs des journaux télévisés, etc. Je me vois encore traverser le couloir de l'avion, m'asseoir. Mon voisin me dit « Alors toi aussi, tu es au courant ?» Et là, je réalise que Brejnev était mort en mon absence. Nous avons la profonde douleur de faire part au parti et à tout le peuple soviétique de la mort subite de Léonid Ilitch Brejnev. C'est donc ainsi que la population soviétique a été informée ce matin à 9h heure de Paris de la mort de son chef, Léonid Ilitch Brejnev, décédé de mort subite à l'âge de 75 ans hier. Mais le comité central du Parti communiste soviétique a tenu la nouvelle secrète pendant 24 heures. Un peu plus tard. Heureusement, ce décès avait eu lieu tard dans la soirée. Les médias n'avaient pas encore eu trop le temps d'en parler, ce qui fait qu'arrivant à Moscou en début d'après-midi, mais avec le décalage horaire, je peux la jouer du genre « Brejnev est mort, voilà comment ça se passe à Moscou, etc. » sans que personne ne s'aperçoive de ma disparition très momentanée. Et il va y avoir une certaine accélération de la vie politique. Après Brejnev viendra Andropov, puis Tchernienko, puis Gorbatchev, et tout ça dans un délai très très court, de 82 à 85. Et miracle, tout le monde, tout d'un coup, se réintéresse complètement à l'Union soviétique. Le sujet qui était ennuyeux devient la passion numéro un de tous les médias, ce qui fait que vous, correspondant à Moscou dans ces années-là, c'était du pain béni. Tout ce que vous racontiez sur la vie politique, économique, sociale, culturelle, tout était sujet à article et tout était immédiatement pris. Ce qui fait que je vais rester finalement 4 ans, 5 ans, et je vais écrire peut-être un millier d'articles, quoi. C'était une activité permanente. Le premier voyage, c'était en 1959. C'était la première semaine du cinéma français à Moscou. Marina Vladi, comédienne. Pour présenter un film qui était, je crois que c'était la sentence. Et donc je suis partie j'ai passé 2 jours, mais absolument extravagant, parce que j'ignorais totalement le succès de certains de mes films en Russie. Et je suis arrivée dans un pays où j'étais vraiment une star. Donc c'était assez étonnant, et en même temps j'étais très émue, parce que c'était la ville de mon père. Mon père est parti de Russie en 1915. Il s'est engagé dans l'armée française comme pilote. Donc c'était pas un émigrant, hein. C'est quelqu'un qui est resté parce qu'il a été blessé au combat. Il est tombé avec son avion. Il est resté 2 ans à l'hôpital parce qu'il était tout cassé. Et finalement, il est resté en France parce qu'il est devenu chanteur d'opéra. Quant à ma mère, elle n'est arrivée en France qu'en 27, après avoir fui la Russie. Alors elle, émigrante vraiment, en 1919, et retourner en Russie, retrouver mes racines en quelque sorte, culturelles en tout cas, et puis ma langue maternelle, puisque j'ai commencé à parler le russe en premier. Et puis en plus, en 59, c'était quand même bien après 56, c'est-à-dire la Hongrie, et les choses étaient déjà beaucoup plus calmes. On allait au contraire, je pense, vers une tentative de compréhension et d'échange. La preuve, c'est que c'était la première semaine du cinéma français après la guerre quand même. Moi, j'étais très touchée par ces 2 jours de découverte. J'ai beaucoup déchanté après, mais c'était beaucoup plus tard. C'était dans les années 67-68. Et quel était-il, ce désenchantement ? Oh ben, c'était de voir des gens qui vivaient complètement sans aucun moyen de liberté d'expression. Enfin, moi, je vivais en plus avec un poète, Wissotsky, qui a été complètement squeezé et qui en est mort, en quelque sorte, à 42 ans. Et c'était, en fait, d'humiliation, d'une certaine façon, parce qu'il était constamment interdit de tout. Et on a mis 6 ans, quand même, pour obtenir un visa de sortie, alors qu'il était marié à une Française, il avait le droit de sortir tout de suite. Eh bien, pas du tout, ils lui ont refusé. Ils n'ont pas refusé. Nous n'avons pas demandé pendant 6 ans, car on savait que ça serait refusé. Or, un refus à l'époque, c'était un refus définitif. C'est-à-dire qu'il était en prison pour toute sa vie. Donc, le grand problème, c'était que j'ai été à peu près 70 fois en Union soviétique en 12 ans, puisque j'ai vécu 12 ans avec Wissotsky. Donc, j'ai passé 12 ans de ma vie entre Paris et Moscou, et plus souvent à Moscou d'ailleurs. Mais le problème principal, c'était le changement de vie, de mode de vie. Je vivais dans une maison de 15 pièces et j'arrivais à Moscou, je vivais la plupart du temps dans les cuisines des copains ou en louant un petit truc qu'on trouvait avec grande difficulté. Bon, ça, c'est le côté physique, si vous voulez, matériel. Mais par contre, ce qui était toujours un peu déchirant, c'était que la vie sociale en France était très dure et très compliquée, le métier, le travail, les gens, enfin. Alors qu'en Russie, c'était formidable. Les relations humaines étaient formidables. Et je peux dire que tous les gens qui ont vécu en Union soviétique le diront. Autant c'était odieux par rapport à l'état policier, au fait de la censure, etc. Mais autant c'était magnifique sur le plan des relations humaines et de la créativité de ce peuple qui était constamment en ébullition, mais chez soi, puisqu'il n'y avait pas de café, de bar et de choses comme ça. On se retrouvait à la maison. 10, 20, 30 personnes pour lire des poèmes, voir un dernier tableau, écouter une dernière chanson, etc. On organisait des expositions de tableaux, par exemple, dans la cave. Bon, et puis 15 minutes après avoir ouvert l'exposition, il fallait filer parce que le KGB arrivait. Ils avaient été prévenus par quelqu'un. Non, c'était un mode de vie assez particulier. Mais je vous dis, ce qui était très, très, très prenant pour moi, c'était la sensation de vie collective, artistique et créative. Bon, c'était un milieu très restreint, naturellement. Et ça m'a beaucoup manqué en revenant en France après la mort de mon mari. Je dois dire que j'ai subi le choc en retour, c'est-à-dire l'espèce d'indifférence et de très grande dureté de la société française. Et comment avez-vous fait pour surmonter tous les obstacles administratifs, Marina Vladi? Il y a eu une espèce de coup, un coup. On tournait un film qui s'appelait Le Temps de Vivre et toute l'équipe s'est inscrite au Parti communiste français. On a tous pris notre carte du parti. En juin 68, tout le monde a pensé qu'on ferait de l'entrisme, que ça serait formidable, qu'on ferait bouillir toute cette... On remuerait cette casserole et que ça commencerait à bouillir, quoi. Bon, en fait, il s'est rien passé du tout. Moi, j'ai laissé tomber très vite parce que j'ai compris que les staliniens étaient en place et qu'il n'y avait rien à faire, de toute façon, pour les bouger. Et donc, ça s'est arrêté là. Mais quand j'ai connu Vysotsky et que j'ai été confrontée au problème des visas, parce qu'il fallait des visas pour aller en Russie, il fallait acheter un hôtel et de la nourriture, enfin, voucher, ça s'appelait. Le fait que j'ai été un clin d'œil de l'histoire au Parti communiste, ça m'a ouvert d'une certaine façon quand même la possibilité de recevoir des visas beaucoup plus vite que pour n'importe qui. Bon, et j'ai été aidée sur ce plan-là par le fait que j'avais été au Parti communiste français. Et c'est même Marché qui a réussi à avoir le visa définitif pour que mon mari vienne pour la première fois en France. Ça a été épique. Buzinski, Billet, mesdemoiselles Billet, c'est nous. C'est la photo, on est déjà toutes les trois. Ouais. Muriel, Hélène et moi. Et Claire. Vous nous reconnaissez? Dites oui. Baba cool, heureuse, avec le petit foulard de pionnier, donc on s'intégrait plutôt bien même, hein, au niveau vestimentaire, je trouve qu'on était bien. On a des znatchki, les médailles qu'on recevait, et donc beaucoup d'insignes de la Révolution, de Lénine, des monuments historiques de Moscou, ouais, des trucs qui valent aujourd'hui des fortunes, et qu'on a dans nos fonds de tiroir, mais qu'on garde. Alors, compte rendu du séjour en Union soviétique du 8 au 29 août 1981. Donc on est parti le 8 août pour revenir le 29. Donc le camp Vysota, oui, ça ressemble. Enfin, il recevait quand même 400 enfants soviétiques de 7 à 14 ans. Donc c'était quelque chose d'immense, hein, 16 hectares aménagés avec des terrains de foot, volley, basket, piscine, stand de tir, ça je m'en souviens, puisqu'on a appris à tirer à la carabine. Ouais. Où ils ont essayé de nous faire participer au sport le matin parce qu'on était réveillés au clairon dans le camp. Et ils faisaient de la gymnastique, nos collègues soviétiques. Et en fait, je sais pas, on a dû faire ça une fois. On dormait, nous, quand ils étaient. Nous, en général, on les regardait du balcon parce que... Comme on faisait un peu la fiesta le soir dans les chambres, interdiction de sortie et de fumer, etc. Pour une bande d'adolescents français, c'est sûr que... On avait une liberté de ton que nos copains n'avaient absolument pas, et on ne s'en rendait pas compte. On se rendait pas compte de notre chance, tout simplement. On pouvait dire ce qu'on voulait, on écoutait ce qu'on voulait comme musique, et ce qui n'était absolument pas le cas de nos copains. À la fin des années 70, on ne pouvait pas écouter la musique occidentale, on ne pouvait pas ramener des disques. Et nous, on arrivait, on leur ramenait un coup d'air. Voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui arrivaient de l'Occident jusqu'à eux. Mmh. надо, конь мой, вороной. Je pense qu'on a eu une chance extraordinaire parce qu'il faudrait voir à l'époque combien de villes étaient jumelées avec un quartier de Moscou ou une ville en URSS. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. On savait en France, de toute façon, dans cette ville communiste, qu'on avait un grand frère soviétique. Voilà, on était curieux de savoir comment ça se passait puisqu'on entendait plein de choses à l'époque avec la guerre froide, avec... Il y avait beaucoup de critiques et de choses donc, qu'on avait envie d'aller voir. Et culturellement et humainement, ça a été fantastique. Parce que, bon, on a pu rencontrer justement des vrais soviétiques. Alors qu'ici, on en entendait parler de loin avec les idées qu'il peut y avoir, les préjugés, les choses qui sont toutes faites, quoi. Et donc, ils étaient en attente quand on est revenu justement de savoir ce qu'on pensait un peu de tout ça. On a eu des questions, donc on n'a peut-être pas fait un portrait, on va dire, idyllique, comme certains dans le Parti communiste faisaient. On n'a peut-être pas dit que c'était le paradis. On a eu, comme tous les Français, un œil un peu critique. Dans la famille, il ne fallait pas critiquer trop fort les soviétiques, parce que mon père avait un oncle qui a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est les soviétiques qui l'avaient libéré. Alors là, dès qu'on voilà, on avait une parole un peu critique vis-à-vis des soviétiques, ouh là là, il se mettait dans une colère, mais noir, le tonton, c'était quelque chose. Hein. Mais par contre, avec mes parents, je pense que la parole était un peu plus libre. Déjà, eux, ils n'étaient pas d'accord avec le culte de la personnalité qui s'est mis en place avec les années Staline. On entendait en plus certaines choses, donc on se posait forcément des questions. Donc, on n'a pas eu la même vision de ce qui se passait là-bas. Eux, ils mesuraient surtout le progrès qui avait été fait pour le peuple soviétique, quoi. C'est-à-dire, ils sont sortis d'une misère noire et ce qui les intéressait, c'était le progrès social, la médecine, enfin, les choses gratuites, l'école, etc. Nous, peut-être qu'on mesurait moins ça. Et on a plus eu un œil sur la liberté de dire, la liberté de faire. Moi, quand je suis revenue, on a été questionné par plein de gens, puisque les gens, effectivement, se demandaient ce qui se passait là-bas, puisqu'il y avait peu de monde qui y allait. Et on a exercé notre esprit critique, quoi. C'est pas parce qu'on avait des parents communistes qu'il fallait dire « tout est bien, tout est beau ». Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Il est difficile d'établir une vérité unique. Comment cependant obtenir des informations sur l'une des deux plus grandes puissances du monde? Comment se faire une opinion sur l'un des événements, la révolution soviétique, les plus importants de ce temps? C'est la question que nous posons ce soir à quatre personnalités du monde intellectuel. L'auteur dramatique Maurice Clavel... Georges Atman, rédacteur en chef du journal Franc-Tireur. Jean-Marie Domenac, rédacteur en chef de la revue Esprit. Et l'historien Jean Bruat, un des dirigeants de l'association France-URSS. Il y a 30 ans ou un peu plus, a eu lieu la révolution russe. Cette révolution s'est donnée pour but de changer la structure de la société et de trouver une nouvelle forme de vie sociale. Et depuis ce temps-là, je pense qu'un des problèmes les plus importants, sans doute, qui se pose à l'homme contemporain, à l'homme de bonne foi contemporain, c'est celui d'une information sérieuse, d'une information objective sur la réalité de ce qu'a fait depuis 1917 l'Union soviétique dans tous les domaines. C'est un problème qui n'est généralement posé qu'en termes de passion, c'est-à-dire qu'on apprend généralement peu de choses par ce moyen. Ma famille était une famille de communistes qui avait vu, dans mes parents ont vu avant la Seconde Guerre mondiale, dans l'URSS, c'est une grande espérance pour des ouvriers, voir un État qui met à la tête de l'État, c'est ce qu'on pensait à ce moment-là, hein. Des conseils d'ouvriers, de soldats et de paysans, c'était porteur d'espoir, enfin, pour la dignité de l'homme, pour... voilà. Ça, c'était porteur pour mes parents, et moi, je l'ai reçu d'eux. C'était un moteur pour mes parents, pour militer pour la justice en France, en se disant que c'était possible de changer les choses, quoi. Puisque mes deux parents, de formation et d'origine, étaient ouvriers. Mon père était ouvrier du bâtiment, monteur en chauffage central, et ma mère était métallurgiste. Donc elle a travaillé en usine, et ensuite elle a commencé à travailler dans les colonies de vacances comme lingère, au ménage, au service, et elle est devenue directrice de colonies de vacances. Et mon père travaillait sur des chantiers. Voilà, c'était Yvonne et Émile Zellner. En quelle année était-il né? Alors, mon père est né en 1904 et maman est née en 1917. Elle en était très fière. Voilà. Elle disait que c'était une bonne année. La preuve, c'est qu'elle était née et qu'il y avait eu la révolution d'octobre aussi. Ce qui nous intéresse, nous, révolutionnaires comme le dit Altman, ce n'est pas savoir si M. Sartre aura la possibilité d'écrire en Union soviétique. C'est la volonté de savoir si des ouvriers jusqu'alors illettrés, des paysans illettrés, ont pu, grâce au régime soviétique, arriver à la véritable liberté intellectuelle, d'accord, qui est d'accord. L'instruction, c'est-à-dire la possibilité de comprendre et de s'élever à la culture. Voilà ma réponse. C'est l'œuvre de la révolution russe en bloc. Ce n'est pas l'œuvre particulière du chef génial et prestigieux Staline. C'est l'œuvre de la révolution russe de Lénine à Staline. Moi, c'est la liberté de l'ouvrier qui m'intéresse. Je me fiche complètement de la liberté que pourrait avoir. Je m'en fiche complètement dans une certaine mesure. Mais je comprends que dans une révolution sociale, c'est le sort de la classe opprimée qui importe d'abord. Or, je dis que sous la Russie de Lénine, il y avait une démocratie dans le parti, que l'ouvrier jouissait de plus de liberté, qu'il n'y avait pas de ces procès incompréhensibles, de ces aveux fantasmagoriques. De ces aveux fantasmagoriques. On ne tuait pas les révolutionnaires sous Lénine. On les tue sous Staline. On exécutait les traîtres sous Lénine comme on les a exécutés sous Staline. Moi, j'ai eu la chance de naître à Ivry-sur-Seine. Et je trouve que c'est une chance quand on est issu d'un milieu ouvrier. Je me rappelle des années 50, des manifestations ouvrières, où on se sentait concernés, enfin mes parents en tout cas. Puis nous, dans ce milieu, évidemment, on suivait. Vos parents étaient militants, Nadia Derbiz? Qu'est-ce que ça voulait dire, militant? Alors, ça voulait dire syndiqué à 12 ans. Premier travail, ils sont allés chercher le responsable syndical, ils ont dit « je veux ma carte », 12 ans. Participer à toutes les luttes dans l'entreprise, quelle qu'elle soit. Mon père, avant de connaître ma mère, s'est occupé des jeunes. Il faisait partie des campeurs rouges, des militants du sport. De l'USTI à l'époque, c'était. Et pour ma mère, militer, ça a été être dans une cellule quand elle était en entreprise. Et puis après, ça a été sa cellule de quartier, aussi bien à Marat qu'à Maurice-Thorez. Et puis nous, les enfants, on a suivi. C'est-à-dire qu'on a été JC, on a pris nos cartes. Moi, à l'époque, je n'étais pas à la JC parce que j'étais une fille. Jeunesse communiste pour mon frère, mais moi j'étais jeune fille de France. Nous sommes restés au parti, mon frère, ma sœur et moi-même. La vente de l'Humanité dimanche, la vente du Muguet, c'est le peu qu'on puisse faire, mais on y tient, quoi. Ma mère est décédée il y a 2 ans en nous disant « Allez-y, battez-vous, jusqu'au bout », elle nous a dit « Battez-vous ». Et quand je repense à cette période, c'est vrai que c'était très émouvant parce que nous, on était à l'aube de notre vie. On y croyait. Et puis, peu à peu, ça a duré quoi? Jusqu'en 80. Est-ce que vous êtes retournée en Russie soviétique ou bien en Russie tout court? Oui. Non, pas en Russie. Je ne suis pas retournée en Russie, mais je suis retournée à la fin, c'est-à-dire je suis allée dans un camp de pionniers à Artek. On encadrait un camp de pionniers, c'était dans les années 82-83. Et là, on a senti, en discutant avec les autres animateurs, les autres personnes qui encadraient le voyage et qui nous expliquaient les difficultés. On pouvait les comprendre en 60. En 80, on ne pouvait pas comprendre ces difficultés-là, ou alors il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et en fait, quand on est rentré, on était politiquement assez désabusé, en disant là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Au pays des soviets, quelque chose qui ne va pas. Московское время 10 часов. Последнее известие. 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. Je n'étais pas comme les autres journalistes occidentaux qui vivaient entre eux, dans des immeubles pour eux, etc. Je vivais au milieu d'immeubles moscovites ordinaires, ce qui fait que, bon, voilà, j'étais en fréquentation permanente. Et puis, je dois dire, j'étais aidé, j'étais tout de même correspondant de l'Humanité, donc on avait un petit grade officiel, si vous voulez. Et j'étais aidé pour les démarches, pour les voyages. Donc, ce fut très facile, ce fut très plaisant, très productif également. Et j'ai réalisé, mais de manière pragmatique, spontanée, que je devais écrire sur tout, c'est-à-dire pas seulement sur les communiqués du bureau politique, qui étaient souvent rigides, mais sur la vie de tous les jours, la vie culturelle. Et tout ça donnait lieu, d'abord, à la vision d'une autre Russie, d'une autre Russie soviétique, soit que celle que voulaient montrer les médias officiels russes, soit que celle que montrait une imagerie dominante en France qui était quand même l'enfer, quoi, le goulag, point. C'était tout de même un peu plus compliqué. Quand vous êtes correspondant en URSS, que vous soyez, disons, pour l'Humanité ou que vous soyez pour le Figaro, vous n'êtes pas dans un pays normal. Si vous étiez aux États-Unis, bon, en gros, on voit les mêmes choses et on peut parler des mêmes choses. Mais en Union soviétique, il y avait l'Union soviétique réelle, si je puis dire, et puis l'Union soviétique mythologique, rêvée ou fantasmée. Et ça, ça vaut pour l'Humanité, où nous avions souvent un public qui rêvait l'Union soviétique et qui n'avait pas envie de mauvaises nouvelles. Et ça vaut également pour le Figaro, qui, lui, était payé pour fantasmer en noir l'Union soviétique. Donc, c'était quelque chose de très particulier. L'URSS a fait rêver. L'URSS a fait rêver. C'est d'ailleurs sa force et son prestige. Et ça a aussi permis à des millions de gens, pendant des décennies, de vivre autrement qu'une vie de soumission, etc. Donc, moi, je suis pour le rêve. Mais bon, autre chose était la difficulté à accepter une certaine réalité. Donc, je me sentais pas désenchanteur, mais je me sentais comme... une espèce d'informateur, pas scientifique, mais mesuré, raisonné. Avec un sujet comme ça, c'est quasiment impossible. Alors, le bilan linguistique, positif pour l'ensemble avec des plus pour certains. Culturel, léger par un intérêt superficiel, méconnaissance, déjà vue par certains, fatigue pour certains. Il est dommage de ne pas saisir cette occasion, car les soviétiques ont fait le maximum, et c'est souligné, pour satisfaire nos désirs, en plus du programme établi qui était déjà copieux en soi. Rôle de l'accompagnateur, être disponible de 8h à 24h tous les jours, faire face aux situations officielles quel que soit le niveau, garder son calme en toute occasion... être une encyclopédie vivante. Être une encyclopédie vivante, c'est entre guillemets, afin de combler de nombreuses lacunes sur la connaissance de l'URSS. Alors ça, je me rappelle du père de Muriel Scheibi, quand on avait une nuit un peu agitée, et il n'était pas très content, je pense que lui, ça l'empêchait en plus peut-être de dormir et d'être un peu tranquille. Et il nous avait fait une leçon d'histoire sur le rôle des soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, en disant, vous vous rendez compte, s'ils n'avaient pas été là, ça se trouve, nous, on ne serait pas là, et tout ça, ça nous avait plombé l'atmosphère, quelque chose de fort. Comportement des jeunes. Les garçons, pas de problème particulier. Les filles ont eu une attitude, notamment en camp de pionniers, qui nous a créé, à l'interprète et moi-même, beaucoup de difficultés avec le directeur. Alors le directeur, il faut rappeler que, comme le groupe de garçons avec qui on a beaucoup communiqué, n'est-ce pas, était juste en dessous, on était au premier, eux, ils étaient au rez-de-chaussée. Et donc, on pouvait sauter par la fenêtre et descendre un escalier. Et le directeur, donc, s'étant aperçu de ce subterfuge, nous a construit, un jour, on était absent du camp, une palissade en bois pour nous empêcher de passer par derrière. Et ils faisaient des rondes la nuit. Est-ce que vous vous rappelez une chanson ? Quelque chose que vous auriez chanté avec vos amoureux soviétiques ? Ach, adiesa, jenchurina umoria. Ach, adiesa, tiznala mnoga goria. Ach, adiesa, ti moj lubimi kraj. Živi moja adiesa, živi i prosvetaj. Mais ils rigolaient quand on chantait, les jeunes, là. Ils se moquaient de nous. Parce qu'eux, ils étaient dans le folk, dans des chansons rythmées. Ils avaient le rythme dans la peau, eux. C'était des musiciens. Hein. Et rappelle-toi dans un mot de Led Zeppelin. Led Zeppelin, Kiss, les Beatles. La deuxième année, il y avait Andrei, son rêve, c'était d'avoir l'album blanc des Beatles. Donc qui datait quand même de plus de 10 ans. Et je me rappelle, j'ai passé la douane, j'avais super peur de me le faire prendre. Et je me souviens, quand je lui ai mis dans les mains, pour lui, c'était énorme. C'était énorme. Et c'était touchant de voir des jeunes de notre âge. Ouais, il avait pleuré. Parce qu'il découvrait une musique 15-20 ans après la sortie. Et ça fait réfléchir. Il y avait quand même les rapports qui étaient très tendus entre nos pays. On parlait quand même vraiment politique. Pour eux, pour pas eux la généralité, mais ils étaient très fiers de ce que leurs aïeux avaient fait. Le modèle soviétique, ils crachaient absolument pas dessus. Voilà, ils en étaient fiers. Et c'est vrai qu'il y a un côté très galvanisant à être avec des gens comme ça, où on échange. On avait quand même de grandes discussions, mais sur la paix. On partait, il n'y avait pas de fusée Pershing, et on est revenu, il y avait des fusées Pershing qui étaient tout le long du mur. Quand on est parti, la guerre froide, à un moment, il y a eu des armements qui sont revenus. On était en plein dedans. Et puis de voir des copains qui ont notre âge, ou qui sont juste un tout petit peu plus vieux que nous, et qui nous annoncent qu'ils vont partir en Afghanistan, bah, ça fait réfléchir. Donc ça, c'est le guitariste du groupe. Et Muriel a eu de ses nouvelles. Et puis moi, j'avais reçu aussi des courriers après tous ces voyages où il était en photo en soldat, puisqu'en fait, il y a eu après donc, la guerre en Afghanistan. Il a été blessé en Afghanistan. Et quand je l'ai revu après, enfin quelques années après avec mon frère lors d'un autre voyage, il avait un œil où la pupille était dilatée. Moi, je regardais le souvenir de quelqu'un qui courait vraiment bien, pieds nus, du demi-fond. Et là, il avait un pied qui était bien raide. Il me disait, c'est la guerre. Et il était très évasif sur ce qu'il avait vécu en Afghanistan. On n'arrivait pas à parler de ça. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces garçons, du groupe de musique du Compte Pionnier ? Ben, des top modèles comme nous, à 50 ans. Vous n'avez pas eu envie de prolonger votre séjour sur place, Gérard Streff ? Eh bien, après 86, en vérité, je ne voulais pas rentrer à Paris, voilà. J'avais pris un bail de 2 ans, qui était devenu 3 ans, 4 ans, et j'avais demandé à la rédaction de continuer à rester à Moscou, parce que ça devenait de plus en plus vif, politisé, intéressant. Mais bon, Paris a jugé qu'il fallait quand même faire bouger un peu les correspondants, renouveler. Donc, je rentre, mais je m'arrange pour retourner tous les étés, 87, 8, 9, 10, 11, 12, à Moscou. Je fais la permanence d'été, ce qui va me mettre dans une position très particulière en 1991. C'est-à-dire que je pars à Moscou, comme d'habitude, début juillet, et je trouve une situation très difficile. socialement, la pauvreté est dans la rue et se montre, les riches sont arrogants, et les communistes ont disparu de la vie politique ou quasiment. Je suis inquiet, voilà. Et je fais un papier assez long qui va passer dans le journal dont j'étais le responsable à l'époque, Révolution, et ce papier va passer le 16 août 1991. Avec un gros titre qui faisait la une sur la déliquescence à Moscou en ce moment-là. Trois jours après, il y a le putsch, le 19 août 91. Et il y a eu une petite campagne de presse ici sur le thème. Gérard Streff était au courant du putsch. Gérard Streff était l'informateur du KGB auprès de Georges Marchais. Voilà, donc c'était ridicule, mais pour n'importe quel observateur qui arrivait à Moscou à l'époque, on sentait bien que la situation était intenable et que la crise allait exploser d'une manière ou d'une autre. Les chars de l'armée soviétique sont entrés ce matin dans Moscou. Ils ont pris position sur les principales artères de la ville et jusque devant le Kremlin, ils ont investi les points stratégiques. Libération, 29 août 1991. Un bruit court entre PCF et putschistes. De curieuses similitudes entre l'appel au peuple soviétique des putschistes et un reportage de Gérard Streff dans Révolution alimentent la rumeur. Georges Marchais était-il prévenu du coup d'État? Vous avez démenti? Non, j'ai pas démenti. J'ai laissé Libération à ses rêveries. Et j'ai découpé l'article que j'ai mis dans mon pressbook. Est-ce que ça vous a transformé, ces années moscovites, Gérard Streff? Ce fut une expérience tout à fait fabuleuse, oui. D'abord dans ma vie privée, je me suis marié, j'ai eu des enfants, des jumeaux qui sont franco-russes, donc ça c'est un élément. J'ai découvert un mode de vie et un pays tout à fait fabuleux, mais il a fallu, disons un deuil, je crois qu'on dit comme ça, il a fallu attendre parce que j'ai un côté idéaliste, disons-le, et les gens que j'ai longtemps fréquentés à Moscou étaient des gens qui la jouaient communiste. Ils étaient rouges et ils se disaient rouges et puis ils parlaient de l'expérience des rouges dans le monde. Et puis quand on parlait de la France, ils me donnaient des leçons sur comment il faut faire en France pour se faire respecter des bourgeois, etc. Bien. Lorsqu'arrivent les événements de 91, donc une perestroïka qui petit à petit devient de moins en moins, disons, socialiste et de plus en plus libérale, et que l'URSS s'effondre en 91, je retourne dans ce pays un an après, et les mêmes ont tourné leur veste. Je m'aperçois que tous les voisins, tous les amis que je rencontrais, tous tiennent un discours de gagner de l'argent et l'argent et l'argent. Et ça a été très impressionnant pour moi. Je ne l'ai pas supporté. Vraiment, je ne l'ai pas. Et je ne suis plus retourné en Union soviétique après 1992. Vous n'y retournerez jamais? Si, bien sûr, demain, après-demain. Si, si, c'est un comportement un peu infantile. Mes enfants y retournent et ils me tiennent un peu au courant. Mais faudra que je me force. Faudra que je me force. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Voyage au pays des soviets, de retour du RSS, 100 ans après la révolution russe. Avec Hélène Billère, Claire Pfeiffer, Muriel Scheibi, Michel Courtois, Nadia Derbiz, Marina Vladi, Michel Roux et Gérard Streff. Merci à Brigitte Hussel et aux archives municipales d'Ivry. Prise de son, Clémence Bonfils, Jean-André Gianecchini et Cédric Châtelus. Mixage, Valérie Lavalard. Lecture, Laurent Lederer. Documentation INA, Stéphanie Place. Un documentaire de Marie Chartron et Julie Bérécy. Разницы нет никакой между правдой и ложью. pionnier, émigré, russe blanc, soldat de l'armée rouge, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour combattre la nostalgie, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour les commémorations ou nous réécouter en Sibérie, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous serons aux champs avec des familles d'agriculteurs. Mais demain à 9h, la Fabrique de l'Histoire, dernier volet de leur semaine révolutionnaire. Et dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.